veux juste briller comme une étoile. J'ai toujours dû su me débrouiller. La vie n'est qu'une escale, et si je dois plier, c'est sous l'impact des balles. Mais tu ne m'entendras pas crier, car j'ai un gilet pare-balles. Enculé, je serai rapatrié, enterré au Sénégal. Enfin je pourrai trouver le calme, je serai seul comme une étoile. Thank you.